Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Et bien donc déjà, bonjour tous à vous toutes, il est 13h et en 3 minutes, voilà, nous sommes ensemble toute l'après-midi avec les chansons pour vous faire plaisir. Et bien donc j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous en début de semaine, ainsi que pour le mardi tout simplement, avec aussi que vous avez pu entendre ce matin avec Lionel entre 9h jusqu'à midi. Et bien pour nous, comme je l'ai dit, nous sommes ensemble toute l'après-midi jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons, donc pour vous faire plaisir. On a pu tout simplement débuter l'émission avec le rétro, et puis on va continuer d'en passer un tout simplement, puis au cours de l'émission on écoutera d'autres, et puis juste après ce sera le country. Et bien donc, je vous laisse avec, bien sûr, les chansons qui vous plairaient. Et bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Just one. Just one.

sont les gens dedans, de mon baptême, la timbale d'argent. Je voudrais que tout revienne, alors que tout est passé. Et je chante à peine haleine, que je n'ai que des regrets, oh, des regrets, des regrets, des regrets. Eh bien, je vous laisse avec, elle s'appelle Barbara, et puis il y aura suivi de Rose Laurence, et puis ainsi Marc Lawanne. L'appel amour avec un or, grand comme Paris, toi t'en as pas. Tu m'en promets, et moi j'attends dans tes quinquets de voir s'allumer le grand reflet de la belle amour dont je rêvais, la belle amour dont tu causais. Quand t'avais pas ce que tu voulais, au fond des yeux, ça vous tapisse le cœur en bleu. La belle amour a même la peau, quand il fait froid, ça vous tient chaud. La belle amour en mourir, ça ressemble un peu à un sourire. C'est tellement joli quand c'est vrai. La belle amour, la vraie de vrai. Il t'est jamais venu à l'idée qu'on aurait pu vraiment s'aimer avec du soleil à plein bras et puis des rires à cœur joie. C'était pourtant pas bien malin, dit, avec à me tenir par la main. Alors on aurait pu se payer la belle amour en crever. Si tu savais comme bien souvent j'ai pensé à foutre le camp pour aller chercher cet amour qui hantait mes nuits et mes jours. Et puis je me suis fait une raison. J'ai balancé mes illusions. La belle amour avec un an, grand comme Paris. J'en aurais pas. Yeah. la gare et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, sa manifestation. Ça sort tous les samedis, des pensées sans pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. Chez Marseille, ça brasse, ça tout va, c'est beau le sein d'une fille. Ça camembert le chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec Claude Barzotti et puis suivi après tout simplement Enrico Macias. Le ciel s'est déchiré, brûlé par les éclairs. L'amour s'est retiré, poussé par tes colères. Dans mon cœur il fait froid, j'ai mal même quand je dors. Les tempêtes répétées n'ont laissé que la boue. Tout s'est soudain figé, plus rien ne tient debout. Les murs de notre histoire, les ardés par nos cris, ne sont plus qu'illusoires et que rêve interdit. Promets-moi malgré tout de ne pas tout salir. Je deviens fou le soir dans tes délires. Oh, promets-moi malgré tout de ne pas lui offrir nos instants les plus doux, nos morceaux de plaisir. Promets-moi malgré tout de ne pas tout détruire sur un champ de cailloux. On ne peut rien construire. Me laisse un goût de cendre dans la bouche. Tu m'as mis à genoux, les insultes ont fait mouche. J'ai beau chercher mon cœur, une bonne raison de croire, je ne suis plus assez fort, je n'ai plus de mémoire. Promets-moi malgré tout de ne pas tout salir. Ça devient fou le soir dans tes délits. Oh, promets-moi malgré tout de ne pas lui offrir nos instants les plus doux, nos morceaux de plaisir. Promets-moi malgré tout de ne pas tout détruire sur un champ de cailloux. On ne peut rien. Épuisé par la guerre que nous nous sommes livrés, fatigué par le fer que nous avons croisé, j'ai choisi de me rendre les armes à la main. Y a plus rien à défendre quand s'inscrit le mot fin. Dans ton âme, le sourire d'un enfant, d'une femme. Tu n'as pas dans la vie cette flamme, le regard d'un ami pour te réchauffer. Sans voir le jour, ta canne blanche à la main, tu vas toujours confiant ta vie au cœur d'un chien. La nuit, tu ignores que la route est jonchée de mensonges et de doutes. Tu ignores les visages maussades, la colère et l'envie desséchant les cœurs. Quand je vois les amours qui se meurent, je voudrais comme toi, quand je pleure, m'enfermer dans dans la nuit quelques heures pour y mettre à l'abri un monde meilleur sans voir le jour. Ta canne blanche à la main, tu vas toujours confiant ta vie au cœur d'un chien sans voir le jour. Tu comprends mieux les méchants.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et bien on continue, voici donc Anna Madé et puis juste après elle avec Elsa. Il n'y aura plus de mirage. S'envole ta sirène, ses rivages. Au lutte d'une cigarette et le rubis du vin en tête. Elles te laisseront plus mise à nu. Solitude à perte de vue. Ta fêlure, danse avec des clairs obscurs. Mais a sonné l'heure ultime, son retour aux abîmes. Balayer les mots farouches, le vitriol de sa bouche, envolé sourire en jolard de cet oiseau de malheur. Ils ont connu d'autres musiques, les tambours, les mains. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et puis on continue bien sûr avec les chansons. Et puis on va tout simplement dire un petit bonjour à Chantal. Voici donc pour elle, bien ces trois chansons, tout simplement. Déjà, le premier c'est Christian Adams. Le deuxième avec Claude Michel et puis Anem aussi. Le blues. Voici donc et bien trois chansons différentes et puis un petit coup tout simplement. Je t'épargnerai les larmes et bannirai les tourments en t'apprenant tous les charmes qui prennent nous des amants. Je n'ai jamais rencontré de fille aussi jolie que toi et je me suis enivré de ton parfum, de ton éclat. Je me sens bien. I'll take you back for your old and dirty life. Ooh-wee, I feel all right today. Ooh-wee, I feel all right today. My woman come back, where she gonna stay? Oh, one of these days, baby, it won't be long. Yes, and I'll be gone. Mama told me when I was a child. Mama told me when I was a child. Whiskey women gonna kill you out of wine. Goodbye, I'll never see you no more. Goodbye, baby, I don't see you no more. Remember my footprint tramping round your door. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Tempête gronde et que tout s'emballe. Tu sens en toi des vagues qui te tirent, qui te fâchent. Prends une grande respiration, laisse le calme entrer. Tu as le pouvoir, tu peux tout apaiser. Tu es le capitaine de ton propre navire. Le navire sur les flots, même quand ça chavire. Les émotions sont là, mais tu peux les guider. Avec chaque souffle, tu peux les apprivoiser. Oh. Quand la tristesse frappe et que le cœur se serre, rappelle-toi que chaque larme est une lumière. Accueille la douleur mais ne la laisse pas te définir, tu es bien plus que ça. Tu es le capitaine de ton propre navire. Un navire sur les flots, même quand ça chavire. Les émotions sont là mais tu peux les guider. Avec chaque souffle tu peux les apprivoiser. Tu es le capitaine de ton propre navire. Un navire sur les flots, même quand ça chavire. Les émotions sont là, mais tu peux les guider. Avec chaque souffle tu peux les apprivoiser. Et quand la colère monte comme un feu ardent, trouve en toi la paix, sois patient, sois présent. Transforme chaque émotion en force, en énergie. Tu es capable de tout, crois en ta magie. Tu es le capitaine de ton propre navire. Un navire sur les flots, même quand ça chavire. Les émotions sont là, mais tu peux les guider. Avec chaque souffle, tu peux les apprivoiser. Alors avance avec courage, laisse ton cœur parler. Tu as en toi la clé de tout contrôler. Chaque émotion est un cadeau à découvrir. Tu es fort, tu es libre, n'oublie pas de sourire. Le sourire. Sparking

le week-end. On est là pour décompresser l'en sous deux têtes. Les people sont sur leur planète. Hey, hey, Oxella, Oxella, Oxella. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça c'est Seva. Vous êtes prêts? On y va. De pas à gauche, de pas à Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Eh bien, on continue avec Nana Mouskouri, mais avant elle, voici donc eh bien du rétro. I saw him standing by the cherry tree with a smile that could set the whole world free. His laugh echoed like a summer breeze. Oh, darling, how he brings me to my knees. He wore his heart like a badge of gold, the story of love yet to be told. With every glance he takes my breath away. Oh, I dream of him both night and day. June moon. He speaks in whispers that light up my soul. Every word makes me feel whole. I never knew love could feel this way, but now I hope he's here to stay. Like a melody sublime, hold me close. Let finger. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Dansez, dansez, femmes du Morvan. Dansez, dansez, les Morvanelles. La terre chante sous vos pavillons. Cueillez le vent, le temps d'un tour. Vos cœurs battent au rythme des jours. Dans les champs et les bois fleuris. Vous marchez les pieds léchés et gris. Les rivières murmurent vos chants, filles du Morvan, vaillantes et fières autant. Dansez, dansez, femmes du Morvan. Dansez, dansez, les Morvandelles. La terre chante sous vos pas vaillants. Cueillez le vent, le temps d'un tour. Vos cœurs battent au rythme des jours. Les chênes et les érables anciens, vos rires résonnent comme un refrain. Vous tissez la vie dans vos bras, dansez femmes, ne vous arrêtez pas. Dansez, dansez femmes du Morvan. Dansez, dansez les Morvandelles. La terre chante sous vos pas vaillants. Cueillez le vent, le temps d'un tour. Vos cœurs battent au rythme des jours. À chaque fête, à chaque saison, le Morvan danse, c'est sa chanson.

Veniamo a ringhevi. A gente a bailar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo o grito. Olé, olá. Tu pede mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum serve para mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum serve para bailar. Depois dá esta canção. Eu quero ouvir embaixo do grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum sempre para mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Roda, roda, cabecinha. E um bumbum sempre a danar. Depois dá outra voltinha. E roda, roda para terminar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho a certeza que vais curtir. Eu quero ouvir embaixo no grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé, olá. Roda, roda, cabecinha. Um bumbum sempre para mexer. Depois dá uma voltinha. E roda, roda mais uma vez. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. veux d'un monde comme celui-là, où les fake news sont à la mode, où les médias se font complices des sales façons, des sales méthodes. Quand le mensonge semble tendance, c'est bien la fin qui se dessine. Mais je refuse d'encourager mes nombreux frères qui se résignent. S'il existe de vraies lumières, il va bien falloir qu'elles se montrent. Aucun humain digne de ce nom ne peut se nourrir longtemps de l'ombre. Lumière sur ce monde que tous les hommes pourront voir. On ne peut pas avancer quand on marche dans le noir. Lumière sur ce monde, beaucoup de pas déjà perdus. Chantons demain ensemble la lumière absolue. Ce sont les vents de la liberté qui viennent m'encourager ici. Nous rêvons tous d'un monde meilleur, nous rêvons tous d'une autre vie. Quand le pouvoir est à l'argent, il n'y a rien à espérer. Les dictateurs se frottent les mains, mais leur déclin est annoncé. S'il existe de vraies lumières, il va bien falloir qu'elles se montrent. Aucun humain de ce nom ne peut se nourrir longtemps de l'ombre. Lumière sur ce monde que tous les hommes pourront voir. On ne peut pas avancer quand on marche dans le noir. Lumière sur ce monde, beaucoup de pas déjà perdus. Chantons demain ensemble la lumière absolue. Tous les systèmes ont leurs limites et celui-ci arrive au bout. Nous serons témoins privilégiés quand il se fera tordre le cou. Le temps de subir sera révolu quand viendra l'heure des vérités. Comme il fut long ce grand sommeil qui aurait pu tout emporter. Je me bouscule. temps en temps je prie sous le poids du sort et des souffrances collées au corps. De temps en temps je prends des coups dans le dos, des conneries, des jeux de mots. De temps en temps je regrette l'innocence qu'on peut avoir dans notre enfance. De temps en temps je veux la paix, pour moi je n'ai plus de respect. Et très souvent je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. Je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps je pense à tort, que pas de larmes c'est être fort. Au fond ce que j'attends c'est voir le bout de nos efforts, que l'amour soit là encore. Je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je vous laisse avec le blues. un monde à moi. Au-delà de mes rêves, je peux vivre deux fois. Au-delà de mes rêves, je sais que tu m'envies. Tu veux détruire mes rêves. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et puis donc, retour avec les chansons, mais voici plutôt la musique. Et puis un petit retour avec la musique que Chantal aime bien. Voici l'accordéon avec tout simplement. Eh bien, le Madison. Voici donc, eh bien, le Madison.

Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Voilà donc on continue avec les chansons et je vous laisse avec le country suivi d'hip-hop et après ce sera tout simplement le rétro-romantique. Avec toi, chaque lendemain de mes nuits, je veux être auprès de toi. Chaque étoile dans le ciel, je veux qu'elle brille pour toi. Chaque vague de l'océan, je veux me bercer avec toi. Je donnerai pour toi tout mon amour. saw you walking by the corner store. My heart skipped just like it did before. You smiled and my knees went weak. Boy, you're the only one I see. Please say you'll be mine, now and forever till the end of time. Hold me close, don't let me go. Tell me what I need to know. Say you'll be mine. We danced beneath the moonlit sky. I felt the stars light up inside. But now you've been so far away. I just need one word to make you stay. Oh, please say you'll be mine. Whisper it soft, make the moment shine. Every heartbeat, every sign leads me back to when you were mine. Please say you'll be mine. You said maybe I need yes. Yes. Don't leave me here in loneliness. If love is true, don't waste no time. Just say the words, please say you're mine.

fait fleurir, sont-ils à jamais fanés? Parle-moi de ces manches où je venais te confier en timide voile blanche mes rêves de papier. Parle-moi tant que j'y pense de mon premier amour. Il était toute innocence, a-t-il duré toujours? Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau, du temps où coulait ma chance. Perdu d'avance que de la retenir. Car le vent de l'insouciance un jour lâcha ma main. Je vais pleurer en silence des larmes tu devins. Chant de rose, chant de rose que j'avais. Je viens chercher réponse qui de vous m'a blessé. Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau, du temps où coulait ma chance. Faute au ruisseau, cœur meurtri, je m'en relève. C'est la faute à son comme le dernier, parce qu'on vient loin. s'aimer. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque jour, feriez pareil si seulement vous saviez. Seulement vous saviez. Bien des fois, la fin du monde nous a volé. Oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient à la vie chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et donc, retour avec le rock'n'roll et puis juste après, Renaud. We'll be right back.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et je vous laisse avec Frédéric François et puis suivi de Régine. Le plus sourd à tous les mots de l'amour. On envoie des vœux au ciel, une fleur nouvelle vient éclore de nulle part comme un espoir. Café poisse, c'est moi qui bois la tasse.

donc il est 16h48 minutes, et bien voilà, l'émission touche donc à sa fin. Voilà donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec plusieurs chansons différentes. Mais donc, on va se retrouver donc mardi prochain, et puis ainsi on se retrouve aussi vendredi prochain, et ainsi pour dimanche. Voilà. Donc, et bien, je souhaite de passer bonne fin d'après-midi, bon début de soirée. Et je vous dis donc, et bien, bon temps à tous et à vous toutes. La 32e édition du Festival des Sangs Populaires de Radio Arc-en-Ciel fut un réel succès. L'équipe du conseil d'administration tient à exprimer ses sincères remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence et votre participation au festival. Votre soutien et votre enthousiasme ont grandement contribué au succès de cet événement festif aux couleurs du Portugal. Bravo à nos artistes passés sur notre belle scène. DJ Booba, Le Copa Negra, os bombos, os amigos de Portugal, as concertinas da Ronda Minhota e dos Minhotos de La Chapelle. Aos cantores vindos de Portugal, Nino da Concertina, Eduardo Santana, Cláudia Nayara e os Daniel. Nous souhaitons remercier tout particulièrement les bénévoles et nos animateurs présents sur le parc de Lignerolles du jeudi au lundi et sous de fortes chaleurs. Rien n'arrête nos passionnés. Merci pour leur dévouement, leur travail acharné dans l'organisation de cet événement. Sans vous, rien de cela n'aurait été possible. Enfin, merci à nos partenaires et sponsors pour leur précieuse collaboration et leur soutien financier. Votre contribution a permis de rendre ce festival dos Santos Populares mémorable. Merci. Merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais et toute l'équipe technique. Muito obrigada à DGACCP, Direção Geral dos Assuntos Consulares, Comunidades Portuguesas, aux établissements Mariano à Semois, à RPG International à Saran, à Urbanelec à Semois, Alberto Coelho à Saran, JBC Échafaudage à Cléry-Saint-André, à l'hôtel Les Trois Vallées à Saran, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à Aurélec à Orléans, à S-Sécurité à Saint-Jean-de-Bray, à la Protection Civile, ARD 45 Lavielle à Saint-Jean-de-la-Ruelle, au restaurant Pedralta à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Le Complexe à Saran, Aldora Construction à Saran, SARL SN à Saint-Jean-le-Blanc, Carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Mémin, NVL à Saint-Jean-de-Bray, ACS Location à Ingré, Casa Isolation à Fleury-les-Aubrais, Service après-construction à Chingy, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, MCJ à Loury, MTP 45 à Boigny-sur-Bionne, Big Mat à Fleury-les-Aubrais, MPS à Saran, Ravalement Carrelage à Brésien à Saran, SMP Ravalement à Fleury-les-Aubrais, Restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, Pro Rénovation Qualité à Chingy, Caixa Geral de Depósitos, Balsa Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, JP Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Carrosserie Samicar à Saran, SARL de Barros à Fleury-les-Aubrais, Restaurant Brasilia à Saint-Jean-le-Blanc, DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, RF Maçonnerie et Pavage à Saint-Y, Sergio Dominguez à Terminier, Les Amis du Bâtiment à Ingré, DMC Couverture à Saran, Entreprise Oliveira à Olivet, AEB Location à Ingré, Banque Crédit Mutuel à Orléans, Télém Assurance à Saran, AM Création à Orne, LDV Evans à Chingy, AFR Financement à Orléans, Warsman Renault à Saran, Urban Construction à Semois, MD45T à Saint-Jean-de-Bray, Calypso Location à Fleury-les-Aubrais, Banco Crédito Agrícola, Banco Monte Pio, les photographes de l'association de la 8e compagnie à Montreux, l'Ouzo Journal, la République du Centre. Et puis, les stands, un grand merci à vous pour ces moments inoubliables. Le Flagrant Délice, Tripas, Café Adopt Speciality, Boulangerie, Europastel, O Minuto, O Cantinho da Nossa Terra, Alex Chevifana, Restaurante Tamariz, Restaurante Bom Gosto, Tó, o Rei do Porco, Restaurante Portugal, Restaurante Assador Típico, Império da Música, Les Ateliers Voluptueux, Bijou Natalis, Lusituga, Modstar, Lojinha da Rosália, Nuvem, Star Music System, Air de Monde. Super, c'était extra. Nous espérons que vous avez apprécié l'événement autant que nous avons apprécié de l'organiser pour vous. Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition dos Santos Populares de Rádio Arc-en-Ciel, qui encore une fois sera une réussite. Un muito obrigado a todos, un beignage à tous de vous. Une organisation Rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. La SARL-DSV, entreprise de maçonnerie située à Chingy, recherche un maçon qualifié et un aide-maçon, tous deux en CDI. Si vous êtes intéressé par cette offre d'emploi, merci de contacter Radio Arc-en-Ciel au 02 38 43 50 09 ou au 02 38 43 48 00 afin d'obtenir leurs coordonnées. Le restaurant Le Tamariz organise ce samedi 12 juillet une soirée dansante. Celle-ci sera animée par Fernando Martins et venue directement du Portugal, Ana Martins. Au menu, en entrée, variété de beignets, en plat, picanha no prato et dessert au choix. Le prix est de 40€ par personne. Alors, réservez vite votre place au 06 26 80 37 05 et rendez-vous ce samedi 12 juillet au restaurant Le Tamariz au 157 rue des Fossés à Fleury-les-Aubrais. Escutamos aqui. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo. Estão-se a despir de toda a humanidade. Vou protestar, denunciar, vou alertar. Querem fazer a guerra nuclear. Vou protestar, denunciar. Yeah. me queixar, estou mal a armar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou me queixar, estou mal a armar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou implorar. Vou implorar. Longe da vista, perto do coração. Quatro horas em Portugal Continental e na Madeira, três nos Açores. Terça-feira, 8 de julho, começa o programa da tarde na Antena 1 e RDP Internacional. Nuno Rodrigues, viva, boa tarde. Olá, José Carlos, boa tarde. Com que olhar para a atualidade a esta hora? Foi de novo interrompida a sessão do julgamento da Operação Marquês. Aconteceu há instantes, depois de uma nova advertência da juíza José Sócrates. A reportagem em direto já a seguir neste jornal. O Ministério da Administração Interna considera que a Provedoria de Justiça não aponta críticas ou falhas estruturais à ação da polícia no Martim Moniz, no ano passado. Numa nota divulgada ontem, este organismo adianta que identificou falhas graves na planificação da operação, uma vez que não encontrou justificação para as revistas feitas a dezenas de pessoas que estavam encostadas à parede. Já foram reforçados os meios de combate ao fogo no Alandroal, no distrito de Évora. A situação está muito complicada por causa do vento. O incêndio está agora a ser combatido por mais de 200 bombeiros e 8 aeronaves. A esta hora, 33 graus no Porto, 28 em Lisboa, Faro, 23, 22 Funchal e também Ponta Delgada. Notícias, edição de Nuno Rodrigues. José Sócrates garante que nunca foi amigo de Ricardo Salgado e que a relação que teve com o antigo banqueiro era apenas institucional. A tarde deste segundo dia do julgamento da Operação Marquês ficou marcada numa primeira fase por esta ideia deixada pelo antigo primeiro-ministro. E há instantes, Rita Soares, agora em direto, a sessão foi interrompida depois de uma nova advertência da juíza a José Sócrates. Foi na sequência das declarações de José Sócrates perante o tribunal em que a juíza presidente Susana Seca advertiu o antigo primeiro-ministro dizendo que ele não vai voltar a usar este tom perante o tribunal. Isto porque José Sócrates, ao longo da sua intervenção, foi dizendo frases como, por exemplo, pensei que a senhora juíza já tinha compreendido. Foi algo que deixou a juíza insatisfeita, dizendo ela que o tribunal está a respeitar o arguído e que, por isso, o arguído deve respeitar o tribunal. Disse mesmo a juíza que José Sócrates não pode continuar a usar este tal tom irónico, nem para se dirigir ao tribunal, nem para se dirigir aos três procuradores do Ministério Público que aqui estão neste julgamento. Foi um momento de alguma tensão, a juíza acabou por entender fazer este intervalo, é um intervalo que costuma acontecer tanto da parte da manhã como da parte da tarde, mas a juíza acabou por antecipá-lo por algum tempo, por entender que era o mais adequado. Como disseste, Nuno, o início da tarde foi marcado sobretudo por estas garantias de José Sócrates de que não era amigo de Ricardo Salgado, não tinha nem o telefone nem a morada do antigo gestor do Grupo Espírito Santo. Depois foram ouvidas 5 interseções telefónicas com conversas entre Ricardo Salgado e José Sócrates entre novembro de 2013 e outubro de 2014, com José Sócrates a dizer, por exemplo, que no primeiro telefonema de novembro de 2013, quando se dirigiu a Salgado para manifestar algum lamento pela situação em que o Banco Espírito Santo já estava, teve de pedir à secretária para ligar à secretária de Ricardo Salgado, dando por isso a entender que não tinha o número do antigo banqueiro. Mas nessas interseções telefónicas foram ouvidas expressões como, por exemplo, caro amigo, ou como cumprimentos à sua esposa, ou ainda tentativas de marcação de jantares ou de almoços, e aí a juíza perguntou se estas conversas não mostravam familiaridade e se não haveria por isso alguma incongruência, com Sócrates a responder que só vê incongruências quem quer e mais uma vez a acusar o Ministério Público de construir uma acusação falsa. Alguns dos momentos que marcaram este segundo dia do julgamento da Operação Marquês, a sessão está agora interrompida. Já foram mobilizados mais de 200 bombeiros para o combate ao fogo na região de Alandroal, no Alentejo. O incêndio que começou esta manhã terá tido origem no rebentamento de um pneu de caminhão. O condutor não se terá percebido e a viatura em andamento lançou vários focos de incêndio ao longo da Estrada Nacional 255, entre Alandroal e Reguengos de Monsaraz. São essas as informações que têm sido divulgadas pelo presidente da autarquia. Para já não há casas em perigo, mas o vento está a causar grandes dificuldades, daí a necessidade de reforçar os meios no terreno. É isso que acaba de explicar à Antena 1 o segundo comandante Fábio Pontes, da Proteção Civil Regional. Arde zona de mato, pasto e eucaliptal. Temos vários focos de incêndios dispersos. No local temos 188 operacionais, apoiados por 62 veículos terrestres e 6 meios aéreos. Há casas por perto, ou fábricas, ou outro tipo? Não, para já não. O incêndio está ao longo da estrada entre Alandroal e Trena. São vários focos de incêndios, mas estão no local, estão a efetuar combate. Há meios ainda em trânsito para o local. Está vento, no local está vento, o vento não está certo, está muito inconstante, muda várias vezes de direção, o que também não está a ajudar no combate ao incêndio. A caminho estão já mais meios de combate ao fogo, como ouvimos nesta altura, estão no terreno já mais de 200 bombeiros e 8 aeronaves. O Ministério da Administração Interna considera que as sugestões da Provedoria de Justiça relativamente à operação policial de dezembro do ano passado no Martim Moniz, em Lisboa, não apontam críticas ou falhas estruturais à ação policial. Numa nota do Ministério, liderado por Maria Lúcia Amaral, antiga provedora, pode ler-se que as sugestões emitidas por esta instituição não apontam críticas ou falhas nem de natureza sistémica à atuação policial. Ontem, a Provedoria de Justiça tinha feito saber que identificou falhas graves na planificação da operação da PSP, que aconteceu na Rua do Bem Formoso, uma vez que não foram encontradas justificações para as revistas a dezenas de pessoas que estavam encostadas à parede, com as mãos no ar, para serem revistadas por agentes da PSP. Para esta entidade, foram detectadas falhas graves na planificação da operação, quanto à previsão da necessidade de realização de revistas pessoais e também a ausência de justificação para essas revistas. De acordo com a nota do Ministério da Administração Interna, as sugestões da Provedoria de Justiça são um contributo para o trabalho contínuo da Polícia de Segurança Pública no aperfeiçoamento dos procedimentos desta polícia. De acordo com o ofício enviado pelo provedor adjunto ao Diretor Nacional da PSP, foi recomendado que em ações futuras a Polícia da Segurança Pública justifique na planificação ou durante as ações a necessidade de recorrer a revistas pessoais. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria diz que saberá assumir responsabilidades pela polémica relacionada com as cirurgias realizadas